Abel par Jules d'Hermina. Chapitre 1er. C'était dans la salle à manger, pièce spacieuse, décorée sobrement, mais non sans élégance, que la famille Loisy passait ses soirées, invariablement terminées à 11 heures précises, heure prématurée pour des Parisiens noctambules, mais qui, dans la petite ville de Lompré-sur-Oise, rappelait aux quelques centaines de Couchetaux qui constituaient la population que M. Loisy, l'artiste, avait longtemps habité la capitale. Cependant, en cet intérieur calme, en ce silence que troublait seul le tic-tac d'une comptoise à large caisson de chêne, au cadre ensoleillé de rayons de cuivre, on sentait un repos qui tenait à la fois de la sédation et de la lassitude. Les tapisseries, aux teintes d'un verre passé, paysages byzantins sur fond blanchâtre, tombaient lourdes et mettaient en la pièce une placidité à laquelle tout s'harmonisait depuis les trois joueurs couchés sur la table où l'abat-jour envoyait la lueur tempérée de la lampe jusqu'à la mère qui tricotait, paisible, pelotonnée sur un fauteuil auprès de son mari jusqu'au jeune homme, presque un enfant qui, immobile, les yeux à demi fermés, se tenait raide sur sa chaise de chêne au coin de la haute cheminée où le bois à demi consumé ne craquait plus. En l'un des joueurs, attentif aux péripéties du whist, partenaire d'un mort, non moins mais pas plus inerte que lui-même, qui eut reconnu Paul Loisy, le peintre enragé, comme on l'avait si longtemps appelé à Paris, alors que, rompant avec toutes les traditions, il avait jeté, dans l'art officiel et décoratif, la note excentrique et stupéfiante de sa fantaisie géniale. Ennemi né des Achilles et des Philopémènes de l'école des Beaux-Arts, Loisy, ancien grand prix chez lequel Rome avait tué le respect du poncif, avait déclaré la guerre en même temps à l'art pompier, l'art des casques et des glaives, et à la nature vraie. Pas impressionniste, encore moins réaliste, Loisy s'était jeté à corps perdu dans le monde des rêves, entrevu par lui, il faut l'avouer, à travers le prisme de la vie surexcitée. Il y avait en lui de l'Hoffmann et de l'Edgar Poe. Ses toiles effrayaient et laissaient en l'esprit des embryons de cauchemar. Ça avait été dans la critique un tollé général. Il déshonorait l'art, il mentait à toute vérité, avec ses arbres livides et ses femmes exsangues, avec ses fonds sépulcraux dans lesquels grouillaient des silhouettes fantastiques. L'Amérique s'était jetée sur ses toiles et les avait achetées au poids de l'or. La France résistait. Pendant cette lutte, Loisy, grand diable nerveux, Paganini du pinceau, avec la même étrangeté physique que l'auteur du songe de Tartini, ayant eu comme lui des aventures bizarres que la légende exagérait, chef de l'école jeune des névrosés et des pessimistes, Loisy menait la vie exténuante des dépensiers du cerveau. L'aisance lui étant venue, presque la fortune, il rompit tout à coup avec les chats noirs et les rats morts qui avaient aidé à sa réputation et bourgeoisement se maria à une cousine, douce, prosaïque, bonne, et qui ignorait même à quelle sorte de démon elle s'unissait. De fait, elle ne le connut jamais. À 30 ans, Loisy, brûlant ce qu'il avait adoré, s'évadait de la nuit de Valpurgis, chassait Smara, les lamis et les striges, et doucettement glissait jusqu'à la décoration. Seulement, comme si les gnomes délaissés se fussent perfidement vengés, en ce repos, un coup de sang l'avait surpris, bénin il est vrai, mais lui ayant laissé la lourdeur de la main droite et parfois certain embarras dans la glotte. Ce fut alors que Loisy acheta sa propriété de Lompré-sur-Oise, une grande maison aux allures pesantes, tenant de la ferme plus que du castel. Tout d'abord, il ne s'était agi que de s'aller mettre au vert et regagner en air sain l'ancienne vigueur. Mais soit fatigue cérébrale, soit engourdissement du bien-être, Loisy s'était tout à fait fixé en ce lieu silencieux, sans cotonnant d'habitude paisible dont la monotonie lui devenait une jouissance, se levant tard, travaillant peu et sans goût, ennuyé de ne plus trouver au bout des doigts ni du pinceau la souplesse d'autrefois et finalement renonçant à la peinture, satisfait des quelques 1000 livres de rente jadis acquises et enfin échouant le soir à cette table de whist où il avait pour partenaire le curé Lampequin et Berthemont l'ancien notaire. Madame Loisy, élevée en province, elle était de sang lisse comme son cousin, n'avait pas peu contribué à cette transformation. Ce mariage s'était fait par autorité familiale, sans résistance d'ailleurs, Loisy ayant toujours conservé, au milieu même de ses excentricités juvéniles, ce respect un peu craintif des vieux parents, que la vie campagnarde met au cœur des enfants. À 20 ans, il s'était échappé de la ferme paternelle, ayant aux yeux et au cerveau un besoin d'ivresse. Mais en cette folie même, le lien qui l'attachait à la maison ne s'était jamais brisé. Le sourire de sa cousine, si bonne, si ignorante du monstre qu'on lui donnait pour fiancé, avait rafraîchi sa fièvre et peu à peu l'avait dissipé. D'abord, ça avait été les amis, hirsutes et bruyants, qui avaient été consignés à la porte. Puis était venu le désir de flatter les petits orgueils de cette charmante femme, d'où l'évolution vers l'art moyen, normal, menant aux récompenses officielles. Marie, c'était son nom, simple comme elle, n'avait pas rogné les griffes du lion, ne les ayant jamais senties. Il se les était coupées lui-même, trouvant une infinie satisfaction à voir pattes de velours. Elle lui avait fait, par compensation, la vie si facile, si confortable. Elle avait si bien chassé, par des plats sucrés, l'âpre appétence de l'absinthe. Elle avait si naturellement clos la maison au bruit surexcitant que Loisy était entré à son insu en une vie nouvelle, dont jamais plus il n'avait songé à s'enfuir. Chez beaucoup de bruyants, il y a ainsi un silencieux qui sommeille. Grattez les plus excentriques et vous trouverez le bourgeois. Madame Loisy avait accompli cette métamorphose sans volonté préconçue. Elle avait l'esprit droit, le sens juste, l'affection solide, la conscience impeccable. De la passion, elle ignorait tout, dévidant la vie comme un peloton de laine, et si elle y rencontrait quelques nœuds, s'arrêtant aussi longtemps qu'il le fallait pour le défaire. N'ayant jamais une impatience, elle apprenait la patience à tous, à Loisy, qui ne s'irritait même pas contre la maladie, et l'écoutait quand elle lui disait « Au printemps prochain, tu iras mieux ». Et 15 printemps avaient déjà passé, sans que fût tué l'espoir de l'avril à venir. Il avait la conscience qu'elle l'avait rendu, qu'elle le rendait parfaitement heureux. Et quand il se souvenait du passé, surchauffé et étincelant, il clignait des yeux, comme ne pouvant même plus en supporter l'éclat. Sa femme, ménagère exquise, toujours occupée aux menus soins de l'intérieur, mettait dans sa vie un bourdonnement doux qui suffisait maintenant à ses besoins d'activité. Un seul chaînon le rattachait à sa vie d'autrefois. C'était son fils aîné, Georges, un grand gaillard, solide, vivant, qui maintenant avait 25 ans, et ne se souciait de la campagne où il venait passer, de temps à autre, quelques semaines, que pour aspirer, par bons et par veaux, l'air pur dont sa poitrine était altérée. Georges effrayait un peu sa mère, mais il ravissait son père. Depuis déjà 4 ou 5 ans, il cherchait sa voie, ayant commencé le droit, ébauché des études de médecine, essayé du théâtre et empâté quelques toiles. Nature bonne, large, en appétit de vivre, point paresseux, au contraire, voulant trop embrasser dans son travail éparpillé. Aimant les étroitesses surchauffées de Paris et les grands horizons de la campagne et les mystérieuses obscurités des bois et les pleins soleils de la plaine, à vrai dire, aimant tout, aimant la vie, la nature, qui ne lui était pas ingrate, lui ayant donné, avec la vigueur saine de sa mère, l'élégance native de son père. Beau garçon, aux cheveux plantés à la grecque, bas sur le front et bouclé, de grands yeux noirs, regardant bien en face, des épaules de cariatide, des mains nerveuses et des pieds de duchesse, Georges Loisy, quand il partait en chasse, la blouse bleue serrée à la taille, le feutre en mousquetaire, les guêtres collées au mollet, semblait un personnage des vignettes romantiques. Loisy l'adorait pour cette force qui avait été sienne, pour cette exubérance de vie qui n'avait rien de l'ancienne névrose paternelle. Sa mère l'admirait, orgueilleuse de cette création elle-même, un peu surprise, comme la poule qui verrait sortir de son œuf un aigle. Georges avait d'ailleurs le cœur généreux, elle leur rendait vaillamment leur affection, se plaisant à les étourdir de sa vitalité débordante dont il les sentait fiers et absolument décidés, sans savoir exactement comment, à devenir leur bâton de vieillesse. Non qu'il fût le seul enfant, cependant. Abel était né 6 ans après son frère. Il avait 19 ans maintenant, blond, mince, le teint blanc, les yeux d'un bleu très clair. Abel était aussi calme, aussi paisible que son frère se montrait remuant, bruyant même. Son enfance avait été maladive. Vers 8 ans, une fièvre typhoïde avait failli l'emporter, d'où une faiblesse, une paresse musculaire, qui contrastait singulièrement avec l'exubérance de Georges. Pendant des heures entières, il restait immobile, à demi étendu sur un banc rustique, regardant vaguement dans le lointain, au ciel ou à l'horizon, perdu dans quelque rêve. Le bruit lui était antipathique, Un simple choc inattendu mettait à ses nerfs un tressaillement qui était une souffrance, et 20 fois il avait dit à son frère « Ne parle pas si haut, cela me fait mal ». L'affection de Loisy pour lui, quoique très réelle, n'avait pas le caractère d'expansion joyeuse de celle qu'il portait à Georges. Cet enfant était né après sa première attaque. Il se repentait de l'avoir procréé et éprouvait en face de lui un remords. Il lui parlait timidement et l'embrassait avec précaution, comme ayant peur de le briser. Du reste, Abel se plaisait à la mollesse de cette vie de campagne, que troublait seulement, quelques semaines par an, l'irruption de Georges. Il voyait son arrivée avec terreur, craignant l'ébranlement profond que ses nerfs ressentaient à ses démonstrations bruyantes d'une affection sincère, à ses exhortations généreuses du frère qui le voulait entraîner à travers les routes, à la poursuite de quelques lièvres mythiques ou d'un perdreau légendaire. Quant à Madame Loisy, elle couvait son fils Abel avec des précautions de mère poule, l'aimant de toutes ses pitiés latentes et de toutes ses craintes inavouées. Toujours souriante quand elle parlait de Georges, elle avait aux lèvres, en parlant d'Abel, des plissements chagrins. Avec ses intuitions de femme, elle ressentait les souffrances éprouvées par Abel quand une activité, un bruit inaccoutumé, dérangeait l'équilibre de son système nerveux, et elle s'efforçait de les lui éviter en tout temps, sauf, bien entendu, quand Georges était là. Georges, la vie, l'espérance, l'avenir, prenaient possession de la vieille maison et y carillonnaient sa joie de vivre. Mais ses débauches de vitalité étaient si courtes. Abel, que son frère avait désespéré de dégourdir, semblait en ces périodes se replier sur lui-même. Il s'allait cacher au fond du jardin, attendant pour reparaître que son frère eût fini d'arpenter à grands pas la salle à manger, de nettoyer son fusil en chantant à pleine gorge un refrain d'étudiant, ou d'entraîner sa mère dans une valse dont il fredonnait les mesures. « Oh, le poltron qui s'en va !» disait Madame Loisy, tout essoufflé, le teint vif, l'œil brillant, alors qu'Abel se glissait discrètement dehors. Au repas, Abel, contraint d'y assister pour ne point chagriner ses parents, souffrait des plaisanteries de Georges, qui, sans méchanceté certes, lui décochait le surnom de l'enflammé et s'efforçait de le convertir à sa théorie du mouvement perpétuel. Abel souriait à la fin de ses lèvres palottes et promettait d'aller faire quelques courses bien longues, là-bas, au-delà des collines. Georges prenait acte. M. Loisy, égayé, le menaçait des malédictions paternelles s'il manquait à sa parole. Quelquefois, faisant effort sur lui-même, Abel, au matin, accompagnait son frère jusqu'à la lisière du bois, mais pas plus loin. Georges aimait bien son frère, et le lui prouvait en l'embrassant à pleines lèvres, mais toujours un peu trop fort, étant donné la nature frissonnante d'Abel. « 4 honneurs et le trick, » dit Loisy en remuant ses jetons. « C'est gagné. »« 8 fiches, » confirma le curé Lampequin, jetant un regard de regret à l'ex-notaire Berthemont. Le curé était un homme petit, assez replet, très chauve, très instruit et très modeste, un de ces humbles qui vivent leur vie comme un devoir et se sont décidés à ne rien désirer. Il faisait en ses loisirs de la géologie et plus d'une fois s'était à demi fourbu en suivant Georges jusqu'aux limites du département. Le whist était sa débauche. M. Berthemont, très grand, très sec, ayant eu, paraît-il, des malheurs en ménage, vivait seul avec sa fille, une jolie personne de 18 ans, dans la maison contiguë à celle des Loisy. C'était un attristé que les paysans, peu indulgents, taxaient de sournoiserie. Son long visage en lame de couteau, au nez fort et tombant, aux lèvres minces et à peine visibles, avait éternellement une contraction souffroteuse. Très intelligent cependant et d'excellents conseils. Le curé l'aimait beaucoup et l'appréciait à sa valeur. Loisy, plus indolent, estimait surtout en lui le troisième ouiste. D'ordinaire, il amenait sa fille qui travaillait auprès de Madame Loisy, mais ce soir-là, elle était un peu souffrante et avait dû rester à la maison avec la gouvernante, ou plutôt l'institutrice, que M. Berthemont avait appelée de Suisse pour parfaire l'éducation de Gabriel quand il l'avait retirée de pension. « Abel, dit Loisy, quelle heure est-il donc ?» Le jeune homme, confiné dans le coin de la cheminée, tressaillit ainsi qu'il lui arrivait toujours quand on l'interpellait soudainement, leva les yeux vers la comptoise et répondit « Il est 10h15. »« Et Georges n'est pas encore entré ?» s'écria le père. « Jamais il ne reste dehors aussi tard. »« La chasse l'aura entraîné plus loin que d'ordinaire, » fit le curé. Et les chemins sont détestables, confirma M. Berthemont. Il a neigé toute la soirée. Peut-être même Georges se sera-t-il arrêté à l'auberge des Trois Bois, et ne rentrera-t-il que demain. Oh, il ne ferait pas cela, interrompit vivement Mme Loisy. Il aura trop peur de nous inquiéter. Il va rentrer, c'est sûr. Ces jeunes gens, reprit Loisy, toujours par voie et par chemin. Je parie qu'avec sa passion de chasse, il nous arrivera sans avoir dîné. Dis donc, Abel, tu lui as fait un bout de conduite ce matin? Oui, père. De quel côté? À quelle heure? Abel ne répondit pas tout de suite. Sans doute sa mémoire lente avait besoin d'un effort pour fixer ce détail. Il était 8 heures. Je l'ai mené jusqu'auprès des chaumes. Ah, je te reconnais bien là, fit Loisy, à quelques 100 pas d'ici. C'est là un grand effort pour toi. Encore un robard? Demanda timidement le curé. Loisy hésita un moment. En vérité, il commençait à être inquiet. Non qu'il eût peur pour Georges. D'abord, le pays était sûr, et puis il était taillé de force et ne craindrait pas le pire des rôdeurs. Mais enfin, 10h30. Pourtant, la tentation du vice le reconquit. Soit, un robard, fit-il, mais simple. Et M. Berthemont donna les cartes, dextrement, les jetant d'un geste circulaire comme s'il les eût égrenées. De nouveau, le silence s'épandit sur la salle à manger, sur le groupe des joueurs qui laissaient tomber leurs cartes avec des gestes d'ombre, sur Mme Loisy, qui agitait ses aiguilles de bois sans les choquer, sur Abel, dont la silhouette semblait s'effacer et se perdre dans une diaphanéité quasi fantastique. L'horloge tinta, enrouée, le timbre étant desserré. 11 heures, s'écria Loisy en se dressant. Décidément, cela n'est pas naturel. Pardonnez-moi, mes chers amis, mais je ne puis vous cacher que je suis pris d'une inquiétude mortelle. C'est une angoisse que je ne m'explique pas moi-même. On dirait d'un pressentiment. Il avait dit ces mots d'une voix forte, comme dans une fièvre. Mon ami, commença Madame Loisy effrayée. Mais toi-même, chère femme, n'es-tu pas surprise? Georges n'a jamais, jamais prolongé ainsi son absence. C'est vrai, mon Dieu. Lui sera-t-il arrivé quelque chose? Berthemont et le curé avaient échangé un coup d'œil, se rencontrant eux aussi dans la même pensée d'inquiétude. Partout ailleurs qu'à Lompré-sur-Oise, 20 prétextes auraient pu expliquer l'absence d'un jeune homme, fût-ce jusqu'au matin. Mais toute hypothèse était injustifiable. L'hiver, les habitants et surtout les habitantes étaient rares, à l'exception de quelques paysannes d'une vertu inattaquable et pour cause. Loisy avait quitté brusquement la table de jeu et marchait à travers la pièce de son pas légèrement inégal. « Je n'y puis tenir, » s'écria-t-il tout à coup. « Je veux aller au-devant de lui. Peut-être est-il tombé? S'est-il blessé ?» M. Berthemont s'était aussi levé, comme prenant une résolution subite. « Vous avez raison, » dit-il, « mais ne vous dérangez pas. Par ce temps affreux, votre santé courra de grands risques. Je vais aller jusqu'au bois. » « Et je vous accompagne, » fit le curé. « Je suis bon marcheur, grâce à Dieu, et j'ai fait de plus longues courses, et par des temps qui valent bien, celui-là. » « Merci, merci, mes amis. Mais en vous attendant, je mourrai d'inquiétude. En ce cas, nous vous accompagnerons. D'autant, » ajouta Berthemont, en adoucissant sa voix naturellement un peu rauque, « que je suis certain que nous n'aurons pas à loin à aller. » Madame Loisy, quoiqu'elle craignît, elle aussi, pour la santé de son mari, ne protesta pas. « Abel, » dit-elle, « va chercher le manteau de ton père. Dis à Thomas d'apporter la grosse lanterne allumée. « Mais va donc !» ajouta-t-elle, comme dépitée de la lenteur des mouvements de son cadet. « Ah, la maison brûlerait bien, » fit Loisy. « Il n'en ferait pas un pas plus vite que l'autre. Ne te brusque pas, » dit Madame Loisy. « Tu sais bien que ce n'est pas sa faute. »« Enfin qu'il se dépêche, » répéta Loisy. « Est-ce qu'il ne doit pas être aussi inquiet que nous ?» L'ancien notaire et le curé étaient passés dans l'antichambre et là, s'enveloppaient des hauts plans d'hiver dont on se précautionne à la campagne ou ne sacrifie pas l'élégance. Abel était revenu apportant lui-même le lourd manteau de fourrure de son père, qui, pour le remercier et voulant aussi racheter sa brusquerie de tout à l'heure, lui donna une légère tape sur la joue. « Voulez-vous que je vous accompagne ? » dit le jeune homme. « Toi, tu marches comme une tortue, et nous allons arpenter du chemin. » Sous l'empire de son émotion, Loisy se sentait vigoureux, tout rajeuni. Il ne boitait plus. Thomas, le domestique, arrivait avec la lanterne et un gros bâton. « Tu viens donc avec nous ? » demanda Loisy. Par Dieu, notre maître, il ferait bon que je reste dans mes draps pendant que vous allez courir par ce temps-là. Est-ce qu'il neige encore ? Ah bah oui, c'est de la grosse pluie maintenant. »